Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la Commission Byrd sur la situation des femmes au Canada. Mais le grand débat qui, lui, polarisait l'opinion publique, c'était femmes au foyer versus femmes au travail. Et c'était bien sûr parce que nous vivions le moment où les femmes retournaient en emploi rémunéré massivement. Alors ça, c'était le grand débat. Est-ce que je suis une mauvaise mère si je pars travailler? Monique Bégin, qu'on vient d'entendre à l'émission Présent dimanche en 1988, a été l'une des six commissaires à siéger à la commission Byrd. Le but de la commission, créée en 1967, était de faire le portrait de la situation des femmes au pays. Pas étonnant dans ce contexte que la question de la présence des femmes sur le marché du travail se soit donc retrouvée au cœur des travaux de la commission. Les audiences de la commission en 1968 vont durer 6 mois et à sa publication en 1970, le rapport de la commission contenait plus de 160 recommandations. Certaines de ces recommandations vont d'ailleurs mener à l'adoption de politiques très importantes, comme la mise en place d'un congé de maternité pour les femmes sur le marché du travail, par exemple. Le mandat de la Commission nous a chargés de faire enquête sur le statut de la femme au Canada et de faire des recommandations afin d'assurer aux femmes des chances égales à celles des hommes dans toutes les sphères de la société canadienne. C'est ce que nous avons fait. Nous avons formulé 167 recommandations. En voyageant à travers le Canada, nous avons entendu parler de cas de discrimination persistante à l'égard des femmes et de préjugés tenaces. Nous avons découvert que la valeur du travail que les femmes font à la maison n'est pas reconnue. Et aussi que les femmes ont très peu d'argent dans leur poche. Même quand elles travaillent au dehors, elles reçoivent en général des salaires moins élevés que les hommes. Nous avons trouvé que l'éducation dans notre pays ne prépare pas les jeunes filles à participer à la vie d'aujourd'hui ou demain. La Commission est d'avis que le rapport devrait être lu par tous les Canadiens et Canadiennes parce qu'il concerne les droits, les libertés et les besoins de tous et chacun. Florence Byrd, la présidente de la Commission sur la situation des femmes au Canada, au moment de la publication du rapport de la Commission le 7 décembre 1970, pour nous parler du contexte qui va conduire à la création de la Commission Byrd, pour nous parler aussi de la très grande importance qu'aura eue cette commission sur toute la question de la condition féminine au pays. Je reçois Camille Robert, qui est candidate au doctorat en histoire à l'Université du Québec à Montréal, qui est aussi collaboratrice à Histoire engagée, qui est publiée sur le web. Camille Robert, bonjour. Bonjour. En quoi cette commission, la Commission Byrd sur la situation des femmes au Canada a-t-elle été si importante, Camille Robert? Premièrement, c'est une commission qui a lieu à un moment charnière pour la condition des femmes, c'est-à-dire qu'à la fin des années 60 et au début des années 70, les conditions de vie des femmes se transforment énormément, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui entrent sur le marché du travail. Il y a aussi beaucoup de femmes qui vont commencer à se divorcer. Donc, au niveau de la structure de la famille, ça change. Et c'est aussi un moment qui est très important pour le mouvement des femmes. Donc, il va y avoir ce qu'on a appelé généralement la seconde vague féministe qui prend son envol à la fin des années 60 et au début des années 70. Au niveau du contexte de la commission, ça va être extrêmement important comme moment. Il se passe quelque chose, ça brasse, la société est en pleine mutation. Le rôle, la place des femmes dans cette société-là, évidemment, ça fait partie de ces grands changements de la fin des années 60, du début des années 70. Elle a été très importante, cette commission-là. Pourtant, avec le temps, on l'a un petit peu oubliée. C'est une commission, bien sûr, mais il y a d'autres grandes commissions. Je pense, par exemple, à Lorando Dunton, qui nous viennent plus facilement à l'esprit quand on regarde l'histoire des commissions importantes dans le passé. Pourquoi on a un peu perdu de vue la commission Byrd? C'est une commission d'enquête qu'on va généralement limiter à l'histoire des femmes. C'est-à-dire que les historiennes des femmes ou... les féministes vont s'intéresser à cette commission d'enquête-là, mais elle n'est généralement pas perçue comme une commission d'enquête qui a eu une importance nationale, ce qui a pourtant été le cas parce qu'à l'époque, comme on sait, c'est une commission qui a parcouru tout le Canada. Puis au niveau des réformes qui ont été adoptées, quand on voit au niveau des recommandations, bien, c'est plus de deux tiers, finalement, des recommandations qui ont été mises en place à la suite de la commission. Donc, elle a eu vraiment une importance nationale, mais malgré tout, on la limite encore beaucoup à l'histoire des femmes. Oui. Elle elle est créée dans quel contexte? Qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, le gouvernement libéral de l'époque décide de créer cette commission-là? Il y a environ une trentaine de groupes de femmes qui vont se mobiliser pour la tenue de cette commission-là. Et d'ailleurs, il y a la militante Laura Sabia qui va menacer le premier ministre Lester B. Pearson, qui aura une manifestation de 2 millions de femmes sur la colline parlementaire s'il ne crée pas cette commission d'enquête-là. Et il va finalement le faire en février 1967 et la commission va commencer ses travaux l'année suivante. Et le mandat de la commission, bon, on l'entendait, la présidente de la commission, Mme Byrd, disait « On nous a demandé de faire le portrait de la situation des femmes ». C'est ça le mandat, mais c'est large. Plus précisément, qu'est-ce que cette commission-là doit faire? C'est une commission qui doit formuler plusieurs recommandations qui seront adressées au gouvernement fédéral pour vraiment s'assurer qu'il y a une égalité de droits entre les hommes et les femmes au Canada. C'est vraiment dans une perspective féministe plus libérale, égalitariste. Donc, on veut finalement voir au niveau des droits du travail, par rapport à la situation familiale, par rapport aussi aux femmes autochtones notamment, qu'est-ce qui freine finalement la pleine accession des femmes à l'égalité au Canada et... comme vous le dites, les travaux de la commission vont toucher un ensemble d'enjeux qui touchent l'ensemble de la condition des femmes. C'est intéressant parce que j'évoquais la commission Laurando-Dunton sur le bilinguisme et le biculturalisme. C'est probablement dans l'air du temps des années 60, mais dans le cas de Laurando-Dunton aussi, il y avait dans le mandat de la commission cette notion d'égalité des chances entre les francophones et les anglophones cette fois-là. Parlons un petit peu de Florence Byrd parce que c'est intéressant. Pourquoi on décide de confier la présidence de la commission à Florence Byrd. Puis de fait, qui est-elle, Florence Byrd? C'est une journaliste torontoise d'un certain âge, donc elle a déjà une carrière derrière elle et elle est bilingue. Donc c'est une femme qui a une certaine importance publique, si on veut. Elle est aussi la femme d'un analyste financier réputé. Et donc, c'est une femme qui est bilingue, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne se dit pas féministe. Malgré le mandat de la commission qu'on pourrait croire a priori féministe, la plupart des commissaires ne vont pas nécessairement adhérer aux idées féministes de l'époque. Oui. Elle porte le nom de son mari. Déjà, c'est un indice à l'époque. Oui, quand même. Elle veut se faire appeler donc avec le prénom et le nom de son mari. Six commissaires, Florence Byrd qui préside la commission, Monique Bégin, on l'entendait au tout début de l'émission, qui est une des commissaires. Qui seront les commissaires présents, ceux qui siégeront à la commission Byrd? Il va y avoir plusieurs commissaires. Certains sont du Québec. On pense notamment à Monique Bégin. Et ça va être des sociologues, des démographes, des juristes. Donc, on réunit des gens de plusieurs disciplines en sciences sociales. Il y a aussi une femme, par exemple, qui est choisie pour son implication chez les agriculteurs, qui a aussi des liens avec les femmes autochtones. Donc, on va essayer d'aller chercher des gens de différents milieux pour essayer de ratisser le plus large possible. Six commissaires, je le note au passage, quatre femmes, deux hommes à la commission Byrd. Les travaux commencent en avril 1968. Les audiences publiques vont durer donc à peu près 6 mois. Comment ça va se dérouler concrètement? Ces audiences-là, Camille Robert? C'est des audiences qui vont être tenues dans des lieux différents, premièrement. C'est-à-dire que traditionnellement, les commissions d'enquête se tenaient dans des salles de réception, des salles d'hôtel. Mais là, on va essayer de tenir ces audiences-là dans des lieux où les femmes seraient plus à l'aise de se présenter. Donc, on va choisir, par exemple, de tenir des audiences dans des centres d'achat, dans des bibliothèques, dans différentes associations comme le YWCA à Montréal. Et donc, tout ça, finalement, pour favoriser la participation des femmes. Et on va également télédiffuser les audiences, ce qui est vraiment une première pour les commissions d'enquête. Et ça, c'est notamment grâce à l'initiative de Florence Byrd, qui est elle-même ancienne journaliste et qui va donc demander à ce que ces audiences-là soient télédiffusées. Et une participation, on veut que les femmes participent et ça va marcher. Grosse, grosse participation, nombre de mémoires, les chiffres sont assez impressionnants. Oui, donc la commission va recevoir plus de 900 témoignages, plus de 1000 lettres, 468 mémoires de différentes associations, de groupes. Et ce qui est intéressant avec les lettres, c'est que les femmes vont aborder des sujets plus privés, disons, dont on parlait très peu à l'époque. Par exemple, la violence conjugale, le harcèlement sexuel au travail. Donc, elles ne vont pas nécessairement prendre la parole sur ces enjeux-là durant les audiences, mais dans les lettres, elles vont plus facilement se confier. Et ce qui est intéressant avec la violence conjugale, c'est que au départ, Florence Byrd disait même qu'elle ne souhaitait pas couvrir cet enjeu-là puisque c'était... limité à un enjeu criminel ou même familial, à des affaires privées. Par contre, ce qu'on voit dans les lettres, c'est que c'est vraiment un enjeu qui touchait les femmes directement, au-delà des affaires familiales ou au-delà de la loi. Nous avons en particulier adopté quatre principes. D'abord, La femme doit avoir le droit de décider elle-même, en toute liberté, si elle va travailler ou dehors ou non. Notre second principe est que le soin des enfants est une responsabilité que doivent se partager la mère, le père et la société. Nous avons recommandé l'établissement de garderies que nous considérons d'importance primordiale pour les Canadiennes. Le troisième principe concerne la fonction biologique de la maternité. Nous avons recommandé un congé de maternité payé, une meilleure diffusion de l'information sur la contraception auprès de toute la population et des modifications au code criminel touchant l'avortement. Le quatrième principe, c'est que dans certains domaines, les femmes ont besoin, pour une période intérimaire, de mesures spéciales afin d'effacer et de combattre les effets d'une longue discrimination. La présidente de la Commission sur la situation des femmes au Canada, Florence Byrd, au moment du dépôt du rapport de la Commission le 7 décembre 1970. En écoutant cet extrait-là, Camille Robert, on se rend compte du territoire. La Commission, elle a ratissé très, très, très large. Le rapport va compter 167 recommandations. Quelles en sont les principales recommandations de ce rapport? Parmi ces recommandations-là, il y a la mise en place de l'équité salariale. Il va y avoir aussi la mise en place d'un congé de maternité à travers l'assurance chômage, donc un congé de maternité de 18 semaines. Il va y avoir aussi la proposition du financement d'un réseau national de garderies. Et ça, malheureusement, c'est une recommandation qui n'a toujours pas été mise en place. Il y a un meilleur accès à la contraception et à l'avortement. L'avortement va être un point de discorde parmi les commissaires, c'est-à-dire qu'il y a certains commissaires qui vont ajouter au rapport une déclaration dans laquelle il se dissocie de la recommandation, finalement, de rendre l'avortement accessible pour les femmes qui le souhaitent. Il va y avoir aussi des propositions importantes par rapport au droit familial. Donc, on sait qu'il y a de plus en plus de conjoints qui vont se divorcer. Donc, il va y avoir des propositions pour mieux protéger les femmes en cas de divorce. Il va y avoir également plusieurs recommandations par rapport à l'éducation non sexiste. On dénonce beaucoup les stéréotypes sexuels dans l'éducation des enfants. Certaines qui vont toucher la condition des ménagères, donc des femmes au foyer. D'autres qui vont toucher l'accès à l'emploi. Et certaines recommandations vont toucher la condition des femmes autochtones. Oui. On sait qu'à l'époque, la loi sur les Indiens empêche les femmes autochtones de garder leur statut si elles se marient à un allochtone. D'ailleurs, il va y avoir plusieurs militantes autochtones qui vont se présenter devant la commission, dont Mary Two Acts Early, pour demander l'abolition de cette perte de statut-là chez les femmes autochtones. Intéressant. Fin des années 60, déjà, la question autochtone fait partie des travaux et du rapport de la Commission. Oui, et malheureusement, il faut quand même noter que ces revendications-là ont été très peu médiatisées par rapport aux autres. Les femmes autochtones vont être aussi un peu exotisées dans le traitement médiatique, malheureusement. Il va y avoir aussi des recommandations par rapport à l'éducation, l'accès des autochtones à l'éducation pour conserver leur langue et leur culture. Donc, tout ça, ça a aussi des résonances actuelles. Représentation politique aussi. Tous les ministères, les ministres, en fait, responsables de la condition féminine, qui seront nommés un peu partout, les bureaux aussi qui s'occuperont de ça, Office du statut de la femme, c'est la suite de cette commission-là. Oui, effectivement, il va y avoir différents organismes gouvernementaux qui vont être mis en place, des ministères, pour finalement donner suite aux recommandations. Ouais. On pense notamment au Conseil du statut de la femme. Dans un peu toutes les provinces, il va y avoir différents conseils comme ça qui vont être mis en place. Et le Conseil du statut de la femme, d'ailleurs, va publier son propre rapport en 78 pour les Québécoises Égalité et Indépendance. Oui. Ce qui est intéressant aussi, j'écoutais le nombre de recommandations. Vous en avez énuméré de nombreuses de ces recommandations-là. Et ça nous montre une chose, et je pense que c'est un des intérêts avec le recul aussi de cette commission-là, c'est de voir à quel point on sort du simple angle individuel, la question. C'est très empirique. Ce que la commission va proposer, c'est vraiment un regard large. C'est sous l'angle social qu'on s'intéresse à la condition des femmes. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes sociaux qui touchaient les femmes qui étaient vus vraiment comme des problèmes individuels. Oui. La violence conjugale en est un exemple, mais l'accès à des congés de maternité, bien, les femmes perdaient leur emploi quand elles tombaient enceintes. Ouais. Et si elles revenaient, elles perdaient leurs avantages sociaux, elles perdaient leur salaire. Donc, la commission va venir vraiment politiser certains aspects qui étaient auparavant jugés privés par rapport à la condition des femmes. Et on va dire que ça dépasse la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de la société qui doit être concernée par ces enjeux-là pour finalement améliorer la condition ouais. globale des femmes. Comment il va être reçu, ce fameux rapport, par la classe politique, par les médias, par l'opinion publique? On écoute d'abord la réaction du député conservateur Georges Valade, qui répond à l'époque aux questions d'Aline Desjardins à l'émission Femmes d'aujourd'hui, le 8 décembre 1970, le lendemain de la publication du rapport. Je ne crois pas que, quelles que soient les recommandations, les considérations du rapport, qu'on change quoi que ce soit au statut de la femme par des législations, par des lois. Vous ne croyez pas ça, les législations dans cette matière? Dans cette matière-là, parce que je pense que c'est là, on lance un peu un défi à la femme en disant bien, vous êtes incapable de vous, par vous-même de vous imposer, alors nous allons passer des lois pour vous forcer à agir, pour vous forcer à prendre vos places. Alors c'est un peu une insulte que l'on fait à la femme en ce qui me concerne, je le vois comme ça. Il y a des différences, j'imagine, dans certains secteurs, parce que la femme, sur le marché du travail, est toujours limitée par cette ambition de se marier. Et vous croyez que cette situation n'a pas changé, que maintenant la femme, même mariée, continue de travailler ou reprend le travail? Oui, sûrement. La femme reprend le travail, mais elle ne peut pas se spécialiser peut-être autant que l'homme peut le faire, parce que là, il défend sa vie, il défend son avenir, il défend l'avenir de sa famille également et les besoins de sa famille. Et je parle de la femme mariée. Et évidemment, il y a la femme qui est une femme de carrière. Et je pense que dans ce domaine-là, la femme de carrière ne subit pas, à ce que je sache, de discrimination, tant de salaire que d'emploi. En écoutant le député Georges Valade, donc, ce qui est fascinant, c'est qu'on peut à la fois se dire qu'on partait de très, très loin, Camille Robert, quand le rapport est publié, mais en même temps, on peut également, dans ce qu'on vient d'entendre, reconnaître certains éléments d'un discours qu'on continue aujourd'hui encore d'entendre. Je suis curieux de vous entendre réagir à cet extrait, mais plus largement, vous nous parlerez aussi du genre de réaction que va susciter ce rapport en 70. À la suite du dépôt du rapport, il y a plusieurs émissions, il y a plusieurs chroniqueuses aussi dans les journaux, journalistes aussi, qui vont se prononcer sur les recommandations contenues dans le rapport. L'émission Femmes d'aujourd'hui va d'ailleurs organiser une tournée dans plusieurs régions du Québec pour aller chercher les réactions des femmes et de certains experts et expertes à la suite du dépôt du rapport. D'ailleurs, les recherches de Denise Baillargeon et Josette Brun en traitent amplement. Et ce qu'on va voir, c'est que d'une part, certains... Et certaines vont considérer que le rapport va trop loin et d'autres vont considérer que le rapport ne va pas assez loin dans les recommandations. C'est-à-dire qu'il y a une profonde remise en question du statut, du rôle de la mère au foyer, de l'idéal de l'épouse au foyer, de la mère, alors que la société est en pleine transformation. Et aux yeux de certains conservateurs, puis même de certaines militantes libérales à l'époque, les recommandations concernant, par exemple, les garderies, concernant la place des femmes sur le marché du travail, étaient trop audacieuses pour l'époque. Ouais. Pour certaines journalistes, notamment Solange Chalvin, c'est un rapport qui aurait pu aller plus loin, qui est peureux, selon ce qu'elle dit. Elle va aussi dire que, finalement, tous les commissaires n'ont pas endossé le rapport dans son intégralité, notamment par rapport à la question de l'avortement. On voit aussi que c'est un moment charnière au niveau de l'opinion publique sur la condition des femmes. Ouais. Donc, c'est assez intéressant de voir la réception aussi du rapport. Donc, division, ça va trop loin pour certains, pas assez loin pour d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, objectivement, je pense qu'on peut dire que la commission va très loin dans la mesure où il y a quelque chose de très novateur. L'avortement est un bon exemple. Il y aura un flou juridique. Cette question-là sera ultimement même pas réglée des années plus tard. Il y a vraiment, sur beaucoup de points, un système de garderie nationale, vous en parliez. Il n'y en a pas encore. La commission est très, très avant-gardiste. Oui, elle est sur, effectivement... Pour l'époque, par rapport à l'avortement puis aux garderies, mais par rapport à la violence conjugale, par exemple. Il y a beaucoup de militantes féministes qui vont dénoncer le fait que cet enjeu a été complètement évacué de la commission. Et il y a certaines intervenantes qui vont dire aussi, finalement, ben la commission, ça nous dit à nous, les femmes, de s'ajouter à un monde qui est encore géré puis organisé par les hommes. Mm. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les répercussions du rapport de la Commission Byrd sur le mouvement féministe. Oui, puis ça, on va l'aborder dans un instant, mais autre élément important et qui vaut la peine de s'y attarder, on l'a un petit peu évoqué, mais on parle souvent de rapports qui sont tablettés, les rapports de grandes commissions d'enquête. Là, vraiment, c'est l'exemple inverse, énormément, vous le dites, c'est quoi, le deux tiers à les peu près? Les deux tiers, oui, des recommandations. Ça va donner quoi comme politique, là, les principales politiques directes et concrètes, justement, du rapport de la commission Byrd? Très rapidement, il va y avoir le congé de maternité qui va être mis en place à travers l'assurance chômage. Donc ça, c'est une victoire majeure. La décriminalisation de l'avortement qui arrive quand même beaucoup plus tard, mais probablement que le rapport a donné une légitimité à cette revendication-là qui a ensuite été portée par des féministes. L'équité salariale, évidemment, il y a eu différentes réformes là, dans les années qui ont suivi et c'est encore un travail à faire pour atteindre la pleine équité salariale, mais néanmoins, je crois que ça a donné une légitimité au fait que les femmes soient sur le marché du travail, mm-hmm. soient actives, aient aussi un contrôle sur leur reproduction, sur leur corps, les réformes dans l'éducation aussi, par rapport aux stéréotypes sexuels, aux stéréotypes de genre. Il y a eu de nombreuses retombées de ce rapport-là, puis c'est vraiment dans les années suivantes qu'on peut mesurer la portée de ce que ça proposait. Donc, mesures concrètes, puis on revient au point que vous vouliez soulever, et plus largement, une importance dans l'histoire du développement du féminisme, au-delà même des travaux de la Commission, ça a eu un impact important. Oui, du côté des féministes plus modérés comme du côté des féministes plus radicales, ce rapport-là a vraiment donné des études chiffrées que les féministes auparavant n'avaient pas. Donc, il y a eu plusieurs recherches qui ont été effectuées pour le compte de la commission d'enquête. Et ça a donné vraiment une légitimité aux revendications que les féministes portaient, parfois depuis plusieurs années. Mais néanmoins, ça venait donner des chiffres, ça venait donner des informations objectives, entre guillemets, pour mener ces revendications-là dans l'espace public. Et ça aussi, ouvert d'une certaine manière. C'est l'époque, remarquez, ça se serait peut-être passé sans la commission, mais je pense au développement d'un champ d'études, les études féministes. Il y a une filiation aussi, un lien entre la commission et le développement au Québec, en tout cas de ce champ d'études. Oui, il va y avoir le rapport de recherche de Micheline Dumont sur l'histoire de la femme dans la province de Québec, comme on l'appelait à l'époque. Et au moment de la publication du rapport, cette recherche-là va être vraiment saisie par des féministes, par des militantes qui vont souhaiter en savoir plus sur l'histoire des femmes au Québec. Et à partir de ce moment-là, elle va être énormément sollicitée et ça va ouvrir la voie à ce champ de recherche-là de l'histoire des femmes. Camille Robert, candidate au doctorat en histoire à l'Université du Québec à Montréal, auteure de l'ouvrage « Toutes les femmes sont d'abord ménagères ». Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.